Cracheur de feu, non. Cracheur de feu, cracheur de feu. Un sale canage d'arabe, mon rap de sale race. Je fais qui est-ce qui revient sur le terrain. Ça ghetto, cracheur de venin. Un ghetto, j'ai voulu cracher mon venin. 95 pour le noir. Cracheur de venin, de venin. Un sale canage d'arabe, mon rap de sale race. Reviens sur le terrain. Ghetto, cracheur de venin. Ghetto, j'ai voulu cracher mon venin. 95 pour le nord. J'bosse pour mon futur, même si j'sais pas ce qu'il en sera dans l'heure qui suit. S'ils savent pas déjà, dis-leur qui j'suis. A ghetto, moi et 95, s'ils savent pas tout, j'viens. Mentalité de Shaoui, s'ils savent pas qui j'tiens. Revendique mon passé, même si c'est derrière moi. S'ils savent pas déjà, dis-leur que ça date pas d'hier. Moi, c'est à ghetto, sniper, s'ils sont pas briefés. Dis-leur pas nous calculer, s'ils peuvent pas nous piffrer. Je remercie Dieu que ce soit le rap qui paye les factures. Parti de rien, le fabuleux destin d'une raclure. J'aime cette musique, même si par moments j'en ai ras le cul. Sans fausse modestie, j'ai pas prétendre que mon rap tue. Je reste en retrait, je monte pas de thèse, y'a de l'actu. Sinon j'suis bien, sinon j'suis loin, sinon j'suis rien. Plus, t'es un rappeur de plus, tu bosses pour faire la diff. Moi je veux les kills, pas pour briller, me faire bouffer la.